L'océan m'appelle, l'abîme m'enlace, chaque souffle coule, chaque mot s'efface. Raide ce qu'il murmure, son en résonne, la foule s'éteint, la mer résonne. Peine. les abysses grondent. La nuit s'éteint. Chaque note frappe, chaque souffle atteint. Ride skill règne, sa voix m'emporte. La foule sombre, happée sans escorte. Ton nom. La foule se noie, jamais figée.